Restez avec nous, Michel Monette, dans quelques minutes. Michel Monette est avec nous maintenant, animatrice des Oreilles ailleurs. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien? Ouais, je te laisse deux secondes pour... Ben oui, c'est ça. Hey, c'est vraiment intéressant ce qu'on entend là. Oui. Je te laisse nous présenter parce que ça va faire partie de ton émission en fin de semaine. Oui, en fait, ça va faire partie de la deuxième partie exceptionnelle de l'émission parce que l'émission va durer 2 heures cette semaine. Michel Bonaparte ne pouvant faire son émission, j'ai accepté gracieusement de... Et ça m'a permis de présenter une compilation de groupes folkloriques, 35 groupes folkloriques qui se sont, en fait, qui ont accepté de généreusement d'aider une cause qui est de ramasser des sous pour aider les familles des victimes et les familles des victimes de la répression en Ukraine. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une des 35 pièces, et c'est Astarta et Edwin Cullen. Edwin Cullen, c'est Porcupine Tree. C'est un groupe britannique de rock progressif. Edwin Cullen lui-même, il est australien, mais il est dans ce groupe. Il œuvre, ouais. Il est dans un autre groupe aussi. Moi, j'ai complètement oublié le nom, je m'en excuse. Il est dans un autre groupe aussi qui est venu jouer à Kiev, qui est allé jouer à Kiev en 2012. Et là, on lui a dit, il faut que vous voyez Astarta. Il est allé les voir, il a dit, waouh. On veut travailler ensemble. C'est ça, exactement. Et ils ont démarré ensemble un projet qui est un spectacle qui a eu lieu, qui s'appelle tout simplement Astarta Edwin. Aussi un album, mais l'album est toujours en production parce qu'avec les événements, on comprend qu'avec les événements en Ukraine, ils ont dû mettre un petit peu de côté la production de l'album. Oui, ça ne doit pas être facile. Est-ce qu'ils peuvent aller travailler? Ils peuvent aller travailler en Angleterre. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? On peut travailler à distance. Hein, c'est comme ça. Malgré que j'ai tenté d'acheter, il y a quand même 4 pièces sur Bandcamp. J'ai quand même tenté d'acheter des pièces et PayPal, qui est le mode de paiement sur PayPal, sur Bandcamp. C'est celui, en tout cas, qu'ils ont utilisé à Starta. PayPal refusait de transférer de l'argent en Ukraine. Oh. Alors, j'étais contente quand j'ai vu que Kalina faisait partie de ces 35 pièces-là, parce que c'est une des 4 pièces qui est actuellement achetable sur Banfin. J'espère qu'il va être achetable bientôt sur Bandcamp. Ouais, ben là, les tensions sont très grandes en Ukraine. Ouais. On ne sait pas comment tout ça va se développer. Exactement. Tous les artistes sont d'une certaine façon victimes de tout ça aussi. Tout à fait. Alors ça, tu vas nous en parler pendant un volet de ton émission. C'est ce qu'on appelle Folk for People, c'est ça? Folk for the People. Folk for the People, c'est sur Bandcamp. Moi, j'ai pris connaissance de cet album-là par Facebook. Je fais beaucoup de veille. J'ai ramassé plein de groupes comme ça à travers le monde. Je fais beaucoup de veille et Mick Rozek, à un moment donné, a démarré ce truc-là au début de mars où il a fait un appel à tous. Il a même écrit sur ça. Les gens peuvent aller voir la page Facebook de Folk for the People. Et vous allez voir, au début, vous défilez. Et en début, vous voyez qu'il écrit, j'ai j'ai contacté 360 de mes amis pour leur proposer six jours après, il avait les 35 groupes qu'il voulait pour faire son album. Six jours, c'est incroyable. Hein? Ah oui. Il a fait ça uniquement sur Bandcamp, uniquement sur Internet. C'est pas un album physique, là. C'est uniquement électronique. Virtuel, oui. Électronique. Et il l'a fait parce que c'est plus facile, puis ça permet de mettre tout l'argent. Ils ont déjà amassé 2 000 € à date, de mettre tout l'argent à la disposition de Maiden SOS, qui est le groupe qui va recevoir l'argent et qui va aider les gens là-bas. Oui, vraiment, c'est une super cause. Remarquez que c'est pas les causes qui manquent dans le monde. Hein. Il y a l'Ukraine, on parlait de Hélas. Oui, donc ça sera un volet de ton émission. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre aussi? Parce que c'est un gros défi. À l'émission Les Oreilles Ailleurs, je présente des chanteurs, des chanteuses, des groupes qui sont dans la grande famille de musique pop, mais pas la musique pop, pas le courant très populaire, pas le courant qui vend des centaines de milliers. Plus commercial. Plus commercial, voilà. C'est le mot que je cherchais depuis tantôt. Merci, Caroline. Pas ce courant-là, mais plutôt des courants alternatifs. C'est beaucoup ça que je recherche. Céline Ertem, c'est une jeune chanteuse. Jane Ertem, pardon. J'ai dit Céline parce que ça s'écrit C-Y-L-A-N. Ouais, ça, c'est une savoir, des difficultés ça, des Oreilles Ailleurs parce que c'est uniquement des chansons, des chanteurs d'ailleurs dans le monde. Et bon, il faut essayer d'apprendre à prononcer le mieux possible. De linguistique. Voilà. Alors, c'est une jeune chanteuse turque qui a débuté sa carrière autour de 1999. Elle a étudié le chant, elle a étudié la musique occidentale, elle a étudié la musicologie. Elle a fait de la radio. Elle a présenté en 2008 26 épisodes. C'est elle qui animait, c'est elle qui préparait l'émission en Turquie sur les femmes et le jazz en Turquie. C'est une femme, donc, qui a une grande culture musicale et qui a un grand intérêt pour, tout ce qui est rock expérimental, trip-hop, dans ces eaux-là à peu près qu'elle joue. Et j'ai décidé de lui consacrer une émission. Généralement, je présente 3-4 artistes. Je présente 2-3 pièces par artiste pour que les gens vraiment apprennent à se faire une idée, c'est ça exactement, en écoutant les artistes en question. Et là, ça fait longtemps que je connais Jenan Ertem et je suis tombé en amour avec elle quand j'ai écouté un album qui s'appelle Xenopolis. Ça, c'est il y a 3 ans. Depuis, je la suis. Elle a fait 3 albums. Et elle est très, très active sur la scène alternative turque. Ce qui est malheureux, c'est que ces artistes-là, on ne les entend pas beaucoup par ici. Parce qu'ils ont décidé volontairement... Mais elle, là-bas, en Turquie, c'est une vedette ou est plutôt marginale? Ben, une vedette. C'est plutôt marginale. Oui. C'est plutôt marginale, c'est ça, oui. Mm-hmm. Elle a quand même... Elle fait des spectacles régulièrement, puis elle vend quand même beaucoup d'albums en turc, mais bon, puis la Turquie, c'est un autre endroit, on le sait, où c'est pas facile. On pourrait les nommer comme s'il y en a quelques-uns. Oui. Oui. Et donc, moi, j'aimerais savoir, Michel, est-ce que ça te demande beaucoup de recherche, une émission comme ça, à chaque semaine, hein, parce que tu fais découvrir des choses qu'on n'a pas ici. Il faut aller les chercher. J'ai commencé à m'intéresser à la scène alternative parce que je remplaçais Alain Lelancette à l'émission Voyage imaginaire. Et je trouvais des pièces fort intéressantes qui... je me dis, Alain, c'était plutôt musique du monde, son émission, puis je voulais respecter son genre. Mais je me disais, c'est pas exactement ce que je veux faire jouer, mais je vais quand même accumuler tout ça. Et c'est beaucoup... par exemple, j'ai parlé avec Marco Cagliari en fin de semaine passée. Je lui ai dit, Marco, quels sont est-ce qu'il y a un groupe italien qui vaudrait la peine que je connaisse? Il m'a suggéré un groupe et de fil en aiguille, à partir de ça, je vais explorer la scène alternative italienne. Je procède comme ça. Je trouve 2-3 artistes qui sont vraiment bons et généralement, quand on en trouve 2-3, il y a comme Internet, ramifie, là, c'est là. Ça, avec tous les outils qu'on a maintenant, on peut assez rapidement trouver des choses qui valent la peine d'être entendues. Ton coup de cœur à date? C'est un rocker chinois qui s'appelle Sui Chen. il faut le prononcer encore une fois. Oui. Il a joué sur la pièce Tiananmen en 1989. Il est allé jouer dans un spectacle, 3-4 chansons. On lui a dit non, fais pas ça, tu vas nuire aux étudiants et tout ça. Il a dit non, moi j'y vais, je vais les soutenir. Et depuis ce temps, il a beaucoup de difficultés à Je sais pas pourquoi. Il a beaucoup de difficultés à jouer. C'est pas qu'on lui refuse, mais on lui dit à la dernière minute. Peut-être qu'on lui met des bâtons dans les roues. Finalement, ça sera pas possible, exactement. Ouais. Et une petite anecdote, au jour de l'an chinois, cette année, il y avait un grand spectacle présenté à la télévision chinoise. Les autorités chinoises lui ont dit, de la télévision chinoise lui ont dit, on va vous inviter cette année. On veut que vous veniez donner une chanson ou deux. Là, elle leur a demandé, oui, mais est-ce que je vais être censuré? Est-ce que vous allez... Et elle leur a dit, oh, oui, on veut voir ce que vous allez dire avant. Tiens, on va avoir notre mot. Elle leur a dit, non, j'y vais pas. Ah oui? Oui. Mais non, parce que c'est encore très censuré. C'est vraiment bon ce qu'il fait, parce que c'est du rock, mais mélangé avec des sons traditionnels chinois. C'est très, très bon à écouter. Michel, merci beaucoup. Ton émission Les Oreilles Ailleurs, c'est un spécial de deux heures. Exactement. Donc, ça démarre à 15 heures, tout de suite après Les Routes Enchantées, notre belle émission. Le dimanche, hein, on commence par la musique journée, classique, après on fait Les Routes Enchantées. Un beau parcours musical. Voilà. Merci infiniment, Michel, de t'être déplacé. Bienvenue. Au revoir.